Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Game Ozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 9 juillet, nous souhaitons une bonne fête aux Amandines, ça vient du latin signifiant qui est aimée. Particulièrement secrète et réservée, elle semble très mystérieuse. C'est une introvertie qui tente à se poser beaucoup de questions. Cela ne va pas sans un côté inquiet et angoissé, mais peut déboucher aussi sur des intérêts philosophiques, métaphysiques ou spirituels. Il est vrai que plus que tout autre, Amandine a le sens de l'analyse. Elle possède un certain esprit critique susceptible de la faire s'intéresser également aux sciences exactes. Si elle ne l'emploie pas dans l'activité intellectuelle, elle est susceptible de connaître des états dépressifs, ce qui est assez logique chez une hypersensible. Élitiste, elle détermine ses choix en fonction d'affinités spirituelles ou intellectuelles. Chez elle, l'amitié est sacrée et elle est très éloignée de la superficialité. Toutefois, elle tente à être solitaire. Son personnage est hors norme. Elle possède une très forte intuition et a souvent des pressentiments ou des prémonitions. Elle peut même être médium. Elle cherche à acquérir la sagesse. D'une timidité et d'une émotivité quasi maladive, elle est mal armée devant les difficultés de la vie. Elle fuit les affrontements et se replie sur elle-même au moindre choc. C'est sans doute pour cela qu'elle se sent attirée par des communautés qui partagent ses idéaux. Dicton du jour, au 9 juillet, le coucou se tait. Ou encore, au 9 juillet, on entend du coucou le dernier chant. Dans les célébrations internationales, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la destruction des armes légères lancée par les Nations Unies en 2001. En Argentine, c'est la fête de l'indépendance. Au Cambodge, c'est la journée nationale de l'arbre. Au Palau, c'est la fête nationale fête de la Constitution. Et au Soudan du Sud, fête de l'indépendance. Dans les événements qui se sont déroulés un 9 juillet, en 1816, indépendance de l'Argentine. 2011, indépendance du Soudan du Sud. Allez, tout de suite, on écoute William Scheller qui nous dit qu'il est un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, il y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut mal dire au fond des yeux. soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Un homme heureux, William Scheller sur RGM. Un peu plus de 8h36, on fait un point sur tous ceux qui sont nés un 9 juillet. Et on va rester en chanson puisqu'en 1934, c'était la naissance de Pierre Perret, chanteur français. C'est Les Vacances et on s'écoute bien évidemment un petit extrait des Jolies Colonies de Vacances. Je vous écris une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mouron. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Pour becter, on nous met à l'aise, c'est vraiment comme à la maison. Les faillots, c'est du vrai béton, j'ai l'estomac comme une falaise. Le matin, on va faire les poubelles, les surveillants sont pas méchants. Ils ronflent les trois quarts du temps, vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça commence. Youkaydi, aïdi, aïda. Voilà pour l'extrait de Pierre Perret. On continue les anniversaires. 1946, naissance de William Scheller, pianiste, auteur, compositeur, interprète français. 1951, naissance de Chris Cooper, acteur américain vu dans Le Droit de Tuer dans le rôle de Dwayne Powell Looney, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux dans le rôle de Frank Booker, Food Irene, la mémoire dans la peau dans le rôle d'Alexander Conklin, Jared, la fin de l'innocence, New York, I love you, remember me, sous surveillance, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros dans le rôle de Norman Osborn, et il sera bientôt à l'affiche du film Les quatre filles du docteur Marsh. 1955, naissance de Jimmy Smith, acteur américain, vu dans Star Wars épisode 2 et 3 dans le rôle du sénateur Bail Organa, dans la série télé New York Police Blues dans le rôle du détective Bobby Simon, à la Maison Blanche dans les saisons 6 et 7 dans le rôle de Matt Santos, et vu également dans les saisons 5 à 7 de Sons of Anarchy dans le rôle de Nero Padilla. 1956, naissance de Tom Hanks, acteur américain vu dans Philadelphia dans le rôle d'Andrew Beckett, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur. Forrest Gump, bien évidemment, dans le rôle de Forrest Gump, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur. Apollo 13, il faut sauver le soldat Ryan dans le rôle du capitaine John H. Miller. Vous avez un message, la ligne verte dans le rôle de Paul Edgecombe. Arrête-moi si tu peux dans le rôle de l'agent Carl Honrati. Da Vinci Code, Ange et démon. Et plus récemment Inferno, sorti en 2016 dans le rôle de Robert Langdon, rôle qu'il reprendra d'ailleurs dans un quatrième volet intitulé Le symbole perdu qui devrait sortir en 2020. Vu également dans le film Sully dans le rôle de Chesley Sullenberger, Pentagon Papers dans le rôle de Benjamin Bradley, et il est la voix originale du personnage de Woody dans Toy Story 1, 2, 3 et 4. Et d'ailleurs, le quatrième volet est actuellement au cinéma. 1957, naissance de Tim Kring, écrivain, producteur américain, créateur et producteur délégué des séries Preuve à l'appui et Heroes, et producteur de la série Chicago Hope, La vie à tout prix. C'est également l'année de naissance de Kelly McGillis, actrice américaine vue dans Witness dans le rôle de Rachel Lapp et Top Gun dans le rôle de Charlie Blackwood. 1959, naissance de Jim Kerr, chanteur britannique du groupe Simple Minds. 1963, naissance d'Ahmed Mouissi, chanteur français du groupe Powo. 1964, naissance de Courtney Love, chanteuse américaine, connue notamment pour le titre Mono, dont on écoute tout de suite un petit extrait. Voilà pour l'extrait de Courtney Love. Allez, on continue les anniversaires. 1973, naissance d'Enrique Murciano, acteur américain, vu au cinéma dans Trafic, La chute du faucon noir, Miss FBI divinement armée, La planète des singes, L'affrontement, surtout connu pour son rôle de Danny Taylor dans la série télé FBI portée disparue, vu également dans les séries Medium, NCIS, Enquête spéciale ou encore Blacklist. 1982, naissance de Céline Dumère, ancienne joueuse internationale de basketball française, ayant fait carrière de 2000 à 2018 en équipe de France, elle est championne d'Europe 2009, médaillée d'argent au JO de 2012, médaillée d'argent au championnat d'Europe 2013, médaillée d'argent au championnat d'Europe 2015 et 2017, médaillée de bronze en championnat d'Europe 2011, et avec 262 sélections, elle détient le record de sélections en équipe de France de basket, hommes et femmes confondus. C'est également l'année de naissance de Toby Kebbell, acteur britannique, vu dans Alexandre, Matchpoint, Prince of Persia, Les Sables du Temps dans le rôle de Garcia, L'apprenti sorcier, La colère des titans dans le rôle d'Agénor, La planète des singes, L'affrontement et La planète des singes, Suprématie dans le rôle de Koba, vu également dans Les Quatre Fantastiques dans le rôle de Victor Domachev, alias Docteur Fatalis, et vu aussi dans Ben Hur. 1987, naissance d'Élodie Fontan, actrice mannequin française, vue au cinéma dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu dans le rôle de Laure Verneuil, ainsi que dans la suite Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, vu dans Babysitting 2 dans le rôle de Julie, Alibi.com dans le rôle de Florence Martin, Mission Pays Basque, Brillantissime, plus récemment Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon dans le rôle de Laura Marconi, et à la télévision vu dans RIS, Police Scientifique, Femme de Loi, Joséphine Ange Gardien, et bien évidemment la série Clem, des saisons 1 à 9 dans le rôle d'Alizée Berthier. 1990, naissance de Nonciane Nyombla, handballeuse française qui depuis 2019 joue pour le club de Siofoc KC, et en équipe de France, elle est championne du monde 2017 et championne d'Europe 2018. C'est également l'année de naissance de William Legby, l'acteur français vu dans Les Nouvelles Aventures d'Aladin dans le rôle de Khalid, Le Sens de la Fête dans le rôle de Seb et la série Soda dans le rôle de Slimane El Bougui. 1991, naissance de Michel Musso, acteur américain connu pour son rôle d'Oliver Rocken dans la série télé Anna Montana ainsi que dans le film. 1992, naissance de Douglas Booth, acteur britannique vu dans LOL USA, le rôle de Kyle, en 2013 dans Roméo et Juliette dans le rôle de Roméo Montaigu, ou encore dans le film Noé dans le rôle de Sam. C'est également l'année de naissance d'Anthony Rec, joueur de hockey sur glace français, ayant joué à Rouen, Dijon, Gap. Entre 2017 et 2019, il a joué pour l'équipe de Schwenzinger Wild Wings, et la prochaine saison qui va bientôt démarrer, il jouera pour les Grizzlies de Wolfsburg. 1995, naissance de Georgie Henley, actrice britannique connue pour son rôle de Lucy Pevensie dans la saga du monde de Narnia. En 2004, décédé Jean Lefebvre, acteur français vu dans Les Tontons Flingueurs, Le Gendarme de Saint-Tropez, Le Gendarme à New York, Le Gendarme se marie et Le Gendarme en balade dans le rôle du maréchal des logis Lucien Fougas, vu dans Angélique, Marquise des Anges, Angélique et le roi, est connu également pour son rôle de Pithiviers dans Mais où est donc passée la 7e compagnie. On a retrouvé la 7e compagnie et la 7e compagnie au clair de lune. D'ailleurs, la 7e compagnie est en train de passer à la télévision hein, en ce moment, ces soirs d'été. En 2005, décédé Kevin Hagen, acteur américain connu pour avoir joué le rôle du docteur Hiram Baker dans la série La petite maison dans la prairie. Allez, nouvelle pause musicale avec Simple Minds et leur titre Don't You Forget About Me. Sur le 107 FM. Il est 8h50, tout juste passé de quelques secondes. On fait un point météo. La météo. Aujourd'hui, on aura une très belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 12 et 13 degrés ce matin, entre 22 et 23 degrés prévus pour cet après-midi. Mercredi sera une belle journée ensoleillée également, des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 22 et 24 degrés prévus pour mercredi après-midi. Jeudi, du soleil avec quelques petits nuages, des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin, entre 23 et 25 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence cette actualité avec le Tour de France et Cocorico, ça y est, première victoire d'un coureur français hier sur le Tour de France lors de cette troisième étape entre Binche et Épernay. La victoire de Julien Alaphilippe qui empoche d'ailleurs par la même occasion le maillot jaune. C'est une grande première depuis 2014 qu'un coureur tricolore va porter le maillot jaune. 5 ans, c'était long quand même. Et donc voilà, on le verra arriver donc en jaune lors de cette quatrième étape aujourd'hui, 213,5 km à parcourir. C'est une étape considérée comme plat hein, entre Reims et Nancy. Il y aura un sprint intermédiaire au kilomètre 147 et deux côtes de quatrième catégorie. Les maillots distinctifs, le maillot à poids sera sur les épaules de Tim Wellens, le maillot vert sur les épaules de Peter Sagan et le maillot blanc de meilleur jeune sur les épaules de Van Aert. Voilà pour le Tour de France. On fait maintenant un point sur le tennis et Wimbledon. Il n'y a malheureusement plus de Français à Wimbledon après l'élimination hier de Benoît Paire en 3-7 face à Bautista Agut, 6-3, 7-5, 6-2 et l'élimination ensuite de Hugo Humbert en 3-7 face à Novak Djokovic, 6-3, 6-2. 6-2, 6-3. Nadal s'est qualifié en 3-7 face à Souza, 6-2, 6-2, 6-2. Federer s'est qualifié en 3-7 face à Berrettini, 6-1, 6-2, 6-2. Nishikori s'est qualifié en 4-7 face à Kukushkin, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. Goffin s'est qualifié en 4-7 face à Verdasco, 7-6, 2-6, 6-3, 6-4. Et enfin, notez l'élimination de Milos Raonic en 5-7 face à Peya, 3-6, 4-6, 6-3, 7-6, 8-6. Et côté dame, à noter, alors hier, les éliminations des têtes de série, notamment la tête de série numéro 1, Barty, qui s'est inclinée en 3-7 face à Risk, 3-6, 6-2, 6-3. L'élimination de la tête de série numéro 6, Kvitova, qui s'est inclinée en 3-7 face à Konta, 4-6, 6-2, 6-4. Pliskova, tête de série numéro 3, qui s'est inclinée en 3-7 face à Mukova, 4-6, 7-5, 13-11 dans le troisième set. L'élimination de la tête de série numéro 21, Mertens, qui s'est inclinée en 3-7 face à Strikova. Svitolina, elle, s'est qualifiée en 2-7 face à Martic, 6-4, 6-2. Alep s'est qualifiée en 2-7 face à Goff, 6-3, 6-3. Et Serena Williams s'est qualifiée en 2-7 face à Suarez Navarro, 6-2, 6-2. Aujourd'hui, Alep affrontera Zhang, Serena Williams sera opposée à Risk, Konta affrontera Strikova et Svitolina sera opposée à Mukova. On va faire un point sur les doubles. Tout d'abord, le double féminin, où aujourd'hui la paire Mladenovic-Babos affrontera Melisha et Peschk. Côté double messieurs, aujourd'hui la paire Mahut-Roger Vincela affrontera la paire Kubo-Melo. Et à noter qu'en double mixte aujourd'hui, Andy Murray associé à Serena Williams affrontera Martin et Atao. Voilà pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Powo et le titre Le Chat. Moi vouloir être un chat, me frotter contre tes bas, je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus l'avocat. Moi vouloir être un chat, tous les soirs quand je te vois. Moi vouloir être un chat, retrouver sur les gouttières mes copules de litière, mais toujours rester à toi. Prendre